Shalom, shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens avec une nouvelle émission de l'école Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école du trône. Cette école-là qui te prépare à l'éternité, à ta destinée finale qui est le ciel. Et je parlerai ce soir de la sorcellerie familiale. Je vous ai dit que cette année, c'est une année où je combats la sorcellerie, je parle de la sorcellerie, je dénonce la sorcellerie, je lutte contre la sorcellerie. C'est mon année où je suis bas la terre avec les sorciers. Donc, c'est de ça que nous allons parler ce soir, la sorcellerie dans les familles. Et c'est là-bas que la sorcellerie commence. Ça commence toujours dans la famille. La sorcellerie commence toujours dans la famille. Avant que les sorciers de dehors t'atteignent, te font ce qu'ils veulent, ça commence dans la famille, les sorciers de dedans. Donc, partageons la vidéo. Je vais parler encore de beaucoup de choses ce soir. Beaucoup de choses sérieuses, des indices. Je vais te dire comment tu dois prier. Je vais te donner des indices. Comment est-ce que tu peux combattre la sorcellerie si tu es né dans une famille où on pratique la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est une religion satanique. C'est comme tu vas à l'église, hein. Comme tu vas prier, c'est comme tu vas faire des offrandes, c'est comme tu vas adorer Dieu. Que les sorciers aussi vont faire leur pratique, ils adorent leur Dieu, ils font ce qu'ils font. Et je te dirai ce que Jésus lui-même, qui est notre Dieu, a dit par rapport à la sorcellerie. Donc, partageons la vidéo pendant que nous écoutons cette adoration. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous partageons la vidéo. Moi-même, je la partage aussi. Attire-moi à toi. Shalom à tous qui s'en connectent. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut me remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans les bras du Seigneur, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. À toi. Partageons la vidéo. Attire-moi à toi. Chante avec moi cette chanson. Dis au Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Seigneur, je veux tout abandonner. Pour restaurer notre amitié. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour restaurer ton amitié avec le Seigneur? Oh oui, je ne veux que toi. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Partageons la vidéo. Tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Dis au Seigneur qu'il est tout pour toi, il est tout pour toi, il est tout pour toi. Seigneur, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près. Partageons. De toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Partageons la vidéo ce soir. Je partagerai beaucoup de choses avec nous ce soir. Nous partageons encore la vidéo. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, je viens te bénir en ce jour spécial. Je te bénis pour cette vie que tu nous accordes. Je viens te recommander cette émission. Pardonne mes péchés et les péchés de tous ceux qui vont regarder cette émission. Parle au travers de ta servante que je suis. Que je diminue et que tu croisses, Père éternel. Je viens te confier les appareils, le réseau, tout ce que nous utilisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Mama Tala, la servante de l'éternel. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je vous salue et je vais profiter de cette émission pour dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai senti comment vous m'aimez, comment vous priez pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était une journée spéciale pour moi. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde aussi la grâce de passer aussi sur la terre des années de plus et de mettre vos vies en valeur, des années de sagesse, des années où vous assagissez. On dit quoi? On dit ça s'agit, voilà. Que il y a des personnes qui vieillissent sans être adultes. Il y a des personnes qui fêtent les anniversaires tous les jours, mais qui recommettent les mêmes erreurs. Donc, le temps que tu passes sur la terre, que le Seigneur, par son esprit, t'accorde la grâce de devenir plus sage. Plus sage dans ta relation avec le Seigneur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a des personnes qui vieillissent, mais ne sont pas sages. Ton âge ne t'en prend pas à craindre l'Éternel. Tu vieillis et tu t'enfonces encore dans les bêtises. Tu vieillis, tu t'attaches encore aux choses de la terre. Pourtant, quand nous vieillissons, plus le temps passe, nous voyons nos enfants grandir. C'est quand nous voyons nos enfants déjà grands que nous nous rendons compte qu'effectivement, nous prenons de l'âge. Hein? Nous prenons de l'âge et nous devons devenir plus sages. Nous devons devenir des modèles. Nous devons devenir des exemples. On voit des mamans qui sont en train de faire des choses, des petites filles du sous-quartier, des papas qui se comportent comme des petits garçons de 15 ans. Donc, ma prière pour vous et moi, c'est que plus nous grandissons, plus nous fêtons des années de plus, hein, que le Seigneur nous accorde la sagesse. Et la sagesse, c'est craindre Dieu. Un homme sage, c'est un homme qui craint Dieu. Une femme sage, c'est une femme qui craint Dieu. C'est ça la sagesse selon Dieu. Ce n'est pas la sagesse selon le monde qui amène au mensonge. Parce que la sagesse selon le monde, c'est le mensonge. c'est la malignité, c'est la malhonnêteté. C'est cela qu'on dit dans le monde, que tu es sage, quand tu es rusé. Non, non, la sagesse selon Dieu, elle est différente. Donc, c'est ce que nous devons demander au Seigneur tous les jours. Seigneur, accorde-moi la sagesse, apprends-moi à bien compter mes jours. Parce que nous avançons vers la fin, soit de notre vie, soit de notre séjour sur la terre, qui peut se clôturer par l'enlèvement pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc, je vous bénis, je vous salue. Je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Je suis une maman spirituelle, je suis une épouse, une servante de Dieu, une épouse de serviteur, l'épouse d'un serviteur de Dieu. Je suis une mère dans la chair, je suis une mère spirituelle, je suis une femme chef d'entreprise, j'ai beaucoup de casquettes en fait. Donc quand je viens m'asseoir ici, là, les gens qui disent que les femmes ne prêchent pas, glissez sur ma vidéo, je parle à ceux qui vont m'écouter. Alléluia. Je suis issue de famille où on pratique la sorcellerie. Donc, quand je parle de la sorcellerie, je sais ce que je dis. Et ce soir, nous allons parler encore de ça. Le Seigneur m'a donné mon thème cette année. Il m'a dit, cette année, tu ne parles que de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie détruit les enfants de Dieu. Ça détruit tout le monde. Les enfants de Dieu même sont victimes de la sorcellerie. Quand vous voyez les gens mourir, même les pasteurs mourir, moi, Dieu m'a montré, avant que ce qui se passe au Cameroun, là, c'est passé, les pasteurs qui ont commencé à beaucoup mourir, là, le Seigneur m'avait montré dans une vision. Et j'ai appelé mes fils spirituels pasteurs au Cameroun. Le Seigneur m'a montré comment les pasteurs sont morts au Cameroun comme ça. Plein. Et j'ai appelé un de mes fils qui est dans deux, même pas un seul, mes fils du Cameroun, mes fils spirituels qui sont des pasteurs, je les ai appelés, je dis, cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose de grave. Et le Seigneur me disait, c'est la sorcellerie familiale. Quand je vous dis de combattre, en même temps, partagez la vidéo. Et le Seigneur me dit, quand je vous dis de combattre la sorcellerie familiale, les gens n'ont pas compris. Et moi-même, je n'avais pas compris ce songe. Parce que c'était comme s'il y avait un deuil d'un enfant de Dieu et tout le corps de Christ au Cameroun était parti. Et arrivé là-bas, il y a eu une explosion et les pasteurs sont morts comme ça, parmi lesquels mes fils spirituels. Et j'étais dans le rêve, je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ont eu le temps de faire la paix avec toi? Mais comment on peut servir Dieu longtemps comme ça et après aller en enfer à la dernière minute, Seigneur, c'est pas juste. Et je pleurais, je me suis réveillée en larmes le matin. Et puis, j'ai appelé mes enfants spirituels, là que j'ai vu des pasteurs. Je leur ai dit que ce que j'ai vu la nuit n'est pas bien prié. Et le Seigneur me dit dans la vision que quand je vous demande de combattre la sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie de leur famille qui les font ça. Et après, il y a une vague. On dit qu'il y a déjà 100 combien de pasteurs morts au Cameroun là-bas. Donc, nous devons nous lever pour combattre. Je me lève en tant que maman, hein, en tant que servante du Seigneur. Nous, les épouses, nous devons prier. Parce que la sorcellerie familiale rend les gens orphelins. Moi, la sorcellerie m'a rendue orpheline. Être orpheline ou orphelin, ce n'est pas facile. Quand un père meurt, il laisse ses enfants. Qui va s'occuper? Les choses qu'on tape les bouches dans les églises, là, dès que tu es mort, personne ne calcule plus que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Donc, nous devons nous lever pour combattre la sorcellerie pendant que nous sommes vivants. C'est quand nous sommes vivants que nous combattons la sorcellerie. Que nous combattons la sorcellerie. Parce que, écoutez un peu, avant d'entrer dans mon thème, il y a une vague sur les réseaux sociaux maintenant. Moi, quand je viens sur les réseaux sociaux, je ne viens pas clasher les gens. Je viens faire ce que Dieu m'a demandé de dire, de faire et de dire. Il y a beaucoup de personnes entre les hommes de Dieu qui viennent sur les réseaux, commencer à critiquer les autres, à insulter et tout. Moi, je classe ça dans le manque de maturité. Parce que quand tu es un homme mature, une femme mature, hein, l'affaire du ciel, ce n'est facile pour personne. Personne n'est parfait. Je prends mon exemple. Moi, par exemple, j'ai commencé à servir le Seigneur jeune et je savais que j'étais trop sainte. Je savais que je ne péchais pas. Et jusqu'à j'ai un de mes fils qui me disait « Ah, maman, toi, tu es la plus sainte de l'église aussi. » Et je pensais que j'étais déjà arrivée. Je condamnais les gens, je critiquais les gens parce que d'après moi, j'étais bien. Mais quand Dieu m'a amené enfin pour commencer à me montrer, à me parler de certaines choses, je prends par exemple, quand le Seigneur a commencé à me parler de ma vie, moi qui condamnais les gens, Je n'allais pas aller au ciel au même titre que ces personnes que je condamnais. Moi, je pense qu'un homme de Dieu mature, une servante de Dieu mature, verse plus dans l'intercession et dans l'amour. Je prends par exemple le cas du dépouillement. Si moi, dans notre église, mon mari prêchait sur ça. Notre papa spirituel était venu parler de ça. Et je lui disais que papa, tes histoires, moi, je ne suis pas là, je suis encore jeune. Hein? J'étais calée dans ma tête. Mais quand Dieu lui m'a parlé de me dépouiller, je ne peux pas prendre le micro, commencer à insulter les autres servants de Dieu qui prêchent l'évangile, disent qu'elles sont du diable, elles sont des Jézabel, parce qu'aujourd'hui, je ne me maquille plus, je ne mets plus des bijoux, je commence à taxer les autres de sataniser, c'est tout. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie et c'est la grâce de Dieu. Personne n'est fort dans cette histoire de Dieu. Dit qu'un homme, de Dieu peut faire une erreur, un lapsus. Hein? Oui, tel homme de Dieu a dit comme ça. Et on commence à citer son nom partout, à insulter. Mon ami, arrêtez comme ça. Si ton frère a péché, prie pour lui. Combien d'hommes, d'enfants de Dieu prient pour leurs frères? Moi, là où je suis placée, si Dieu m'a parlé du dépouillement de la chair, est-ce que vous comprenez? Et en même temps, de l'esprit et de l'âme. Je suis en train d'intercéder pour les servants de Dieu. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Je suis en train de dire, Seigneur, que si Seigneur, si la fête, si est vrai que personne ne va entrer au ciel avec les choses aussi. Papa, regarde comment les femmes là souffrent avec leur mari. Être femme de pasteur, être pasteur n'est pas facile. Mais vois un pasteur qui vient commencer à clasher un peu comme ces païens là qui a la chaîne là, je ne veux pas citer son nom. Il insulte tous les pasteurs, et les vrais et les faux, personne n'est vrai. Tout le monde sataniste, abominable ceci. Et les gens qui font ça, je vous dis, wow, ne faites pas ceci. Ils sont sur YouTube. YouTube paye les chaînes qui ont beaucoup de vues. Ils disent oui, l'argent est monté, ne paye pas les dîmes, ne paye pas les offrandes. Qu'est-ce que vous faites sur YouTube alors? Quittez sur YouTube. Allez prêcher dans les rues. Parce que quand tu as beaucoup de vues sur YouTube, YouTube te paye de l'argent. Non, moi, je ne prends pas les dîmes. Moi, je ne prends pas ceci. Jésus a parlé des dîmes dans le Nouveau Testament. Hein? Pourquoi vous prêchez sur YouTube? Maintenant, pour avoir le nombre de vues, hein, il faut saboter les gens, critiquer les gens dans l'église. C'est du satanisme. Moi, j'appelle ça comme ça. Quand tu as de l'amour et que tu vois que quelqu'un est en train de se perdre, tu ne dors pas la nuit. Moi, je passe mes nuits à ne pas dormir. Quand je pense que quelqu'un peut rater le ciel ou que moi, je peux rater le ciel, je vous assure, j'ai dit que je me pose les questions. Je dis, Seigneur, ta mise, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. On ne peut pas avoir laissé le monde, papa. On ne peut pas avoir renié le monde. Maintenant, pour aller brûler avec les sorciers à qui nous envoyons le feu, enfants de Dieu, changeons notre manière de faire, notre manière de voir. Travaillons un peu plus avec l'amour. Le diable le sait. Il sait, c'est pour ça qu'il divise les enfants de Dieu. Moi, j'étais trop en train de juger, de critiquer. Je ne suis plus dedans. Maintenant, je prie. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour les enfants de Dieu. Parce que je sais que l'enfer n'est bien pour personne. N'est bien pour personne. Un homme de Dieu peut ne pas comprendre un verset. Il prêche dessus. Voilà. Il prêche dessus et comme il est suivi, les gens le suivent. Maintenant, toi qui as la vérité, hein, viens aussi prêcher. Pourquoi commencer à dire oui, tel citer le nom, tel a dit que ceci, tel a dit que cela. La parole de Dieu, c'est qui maîtrise ça. Personne ne maîtrise la parole de Dieu. Nous connaissons en partie. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur, hein. Il y a des choses que les limites que le Seigneur m'a assignées, qu'il n'a pas assignées. Donc moi, Dieu m'a donné la grâce, par exemple, de prier pour quelqu'un, la personne est délivrée, des miracles et des guérisons, et ainsi. Ça, ce sont mes limites. Mais il y a des choses que ce que Dieu ne m'a pas donné, il a donné à l'autre. Et je prie pour la personne. Je prie que le Seigneur le fortifie. Je prie que le Seigneur l'éclaire. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Pourquoi choisir simplement clasher les gens, insulter les gens, ceci, cela, monter, descendu? Non, arrêtons un peu. Moi, je trouve ça que c'est l'immaturité et c'est de la jalousie. C'est de la pure jalousie. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent qu'une femme peut mettre le pantalon, ceci, cela. Moi, Dieu m'a dit le contraire. Mais ce sont des hommes de Dieu. Hein? Le Dieu qui sert, là, Dieu va leur parler. Qui suis-je pour partir les juger? Si moi, Dieu m'a dit de ne plus mettre, hein, je ne mets plus et j'intercède que Dieu parle aussi aux autres. Pas que oui, ils sont des diables, et des mais non, ce n'est pas possible. Arrêtons ça. Toi qui passes autant à critiquer, si tu as des problèmes dans ta vie, tu as des défauts dans ta vie, hein, le diable nous distrait. Le diable nous distrait. Le diable nous distrait. Le diable nous distrait. Le diable nous distrait. Soyons concentrés sur nos vies. Hein. Quand le diable t'amène seulement à regarder les vies des gens, les vies des gens, les vies des gens, tu oublies de regarder pour toi. Moi, ma passion, c'est ma vie que je regarde. Je check ma vie à chaque minute. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose encore que je... Parce que moi, je vais partir au ciel. Allez, que vous, Dieu, chacun va prendre compte. Chacun va rendre compte. D'ailleurs, que ne vous tapez même pas le corps. C'est pour ça que quand moi, je viens vous parler de la parole de Dieu, je vous enseigne à lire la Bible. Lisez la Bible. Nous connaissons en partie. Lisez la Bible. Dieu n'a pas accordé la grâce à un homme de Dieu. Ce n'est pas... On ne doit pas être jaloux parce que quelqu'un est élevé, quelqu'un est béni. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés, ces hommes de Dieu, aujourd'hui, qui sont élevés, qui sont bénis. Chacun a son histoire avec le Seigneur. Hein? Ils ont payé le prix. Maintenant, toi, comme il est élevé, c'est là que tu peux te faire le nom derrière la personne. Commencer à le critiquer, commencer à le saboter, commencer à ceci. Arrêtez ça, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit, hein? Vous allez blasphémer. Je vous ai dit que les chaînes où on insulte les hommes de Dieu, où on critique, quittez sur ça. Vous n'êtes pas, ce n'est pas ça que vous êtes venu faire. Pensez à vos vies. La société de ta famille ne te laisse pas. Hein? La société de ta famille ne te laisse pas. En hiver, ma chérie, je porte le collant. Hein? Le pantalon et le collant, c'est autre chose. Je porte mes jumelles, mes habits. J'ai mes tailleurs et je mets mes collants en bas. Ce n'est pas que je porte des habits. Je m'habille au chaud. Vous comprenez? Moi, ce que je dis aux gens, c'est d'aller dans la profondeur avec le Seigneur. Et c'est ma prière. Parce que quand tu entres dans la profondeur, il y a des choses que Dieu va te dire. Il y a des choses que moi, je ne peux pas prêcher parce que j'ai dit à Dieu que la qualité, c'est ce qui va écouter. Moi, je fais parce que je parle comme je vous parle, par exemple, des bijoux. C'est que le Seigneur me l'a dit. Le 4 mars, que va dire. S'il ne m'avait pas dit, je n'allais pas venir dire. Moi, je ne prie pas des histoires comme ça. Mais je prie, j'intercède. Je dis, Seigneur, aie pitié de nous. Depuis que j'ai compris que ce n'est pas quand tu reçois Jésus là que tu es sauvé, souvent. Ma façon de voir la vie a changé. Ma façon de servir le Seigneur a changé. Ma façon de tout faire a changé. J'ai compris que je peux aller en enfer comme les amusements. J'ai changé ma façon de voir. Et ma prière, c'est que Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon âme. Seigneur, et je prie pour les autres. Hein? Je dis que j'intercède. J'intercède parce que je me dis que nous, les enfants de Dieu, nous avons abandonné le monde. Hein? Il y a des gens, des satanistes qui ne veulent rien entendre de Dieu. Mais nous, je sais ce que c'est qu'être une épouse d'un homme de Dieu. Je sais ce que c'est qu'un homme de Dieu, être un homme de Dieu, des insultes et des critiques. Les gens ne connaissent pas nos souffrances. Les gens ne connaissent pas tout ce par quoi on passe. Mais ils voient seulement l'extérieur pour venir nous jeter des pierres. Donc je sais ce que c'est et je prie pour les hommes de Dieu. Je prie, même ceux que je ne connais pas, que je n'ai jamais côtoyé. J'intercède. Je dis, Seigneur, ce sont tes serviteurs. Ils peuvent avoir des défauts, ils peuvent avoir des tares. Mais Seigneur, tu n'es pas venu mourir pour rien. Tu n'es pas venu mourir, Seigneur, pour rien. J'intercède. Avant, je ne faisais pas ça. Avant, j'étais dans la concurrence des églises. Oh, notre église est la plus grande. Notre église est ceci. C'est des conneries. C'est des histoires. Un peu comme ce que les gens font sur Facebook. Oui, j'ai des nombres de vues. Moi, je m'en fous de ça. Hein? C'est le salut de nos âmes qui est important. C'est le salut de nos âmes qui est important. Le salut de nos âmes est important plus que tout. Lisons la parole de Dieu. Nous qui avons déjà cru au Seigneur, développons l'amour. Jésus de Nazareth a prié pour ses disciples. Jésus de Nazareth n'a pas choisi des hommes parfaits. Mais il a dit, Pierre, le diable, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Toi, tu pries pour les hommes de Dieu combien de temps? Tu regardes les vidéos des hommes de Dieu pour prendre les petites erreurs, pour critiquer tel prêche comme ci, tel prêche comme ça, tel prêche comme ci, tel prêche comme ça. Pourquoi? Chacun a son message. Il y en a que Dieu a donné la foi. Il te parle sur la foi, c'est son domaine. D'autres, c'est les miracles. Il te parle sur les miracles, c'est son domaine. D'autres, c'est la délivrance, comme lui nous a donné la délivrance. C'est le domaine. Quelqu'un va venir te parler, je ne sais pas, des dons de libéralité. C'est son domaine. Dieu a donné les limites. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Arrêtons d'être dans des choses inutiles. Je vous dis, arrêtons ça. Prions les uns pour les autres. Le diable a réussi son coup dans l'église. Le diable a réussi son coup. Le diable sait que quand, par exemple, un pasteur est vu, hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans notre milieu ici, quand un pasteur est élevé, hein, il faut le clasher pour disperser tout ce qui le suit. Mais si nous prions qu'un pasteur qui est en vue, qui est dans une erreur, et nous prions pour que le Seigneur le ramène, vous ne voyez pas que tous ceux qui le suivent là seront sauvés? Mais le diable nous utilise pour cracher. Tel pasteur a dit comme ça. Je me souviens, il y a le pasteur de la Côte d'Ivoire, là, je n'avais pas suivi. Mais dans ses messages, il avait fait certainement un lapsus, il avait dit quelque chose. Oh là là! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Wow, le pasteur Mohamed est là comme si. Wow, il est comme ça. Wow, c'était. Et c'est comme si on attendait que ça. Mais tous les bons messages qu'il a prêché avant, pourquoi vous n'avez rien vu là? Non, et on dit que c'était seulement jusqu'à ce que les pasteurs de la Côte d'Ivoire sont allés faire une vidéo pour dire qu'on est venu voir notre frère. Mais arrêtons un peu ça. N'entrons pas dans ça. Soyons des chrétiens matures, des fils de Dieu. Nous avons un ennemi, comment c'est le diable. Arrêtons la jalousie. Dieu a élevé ton frère. Va à côté de lui, demande que mon frère, ton secret, c'est quoi? Hein? Est-ce que tu es même sûr que parmi toutes les brebis, même qui suivent, nous, on a eu la grande église. Vous comprenez? Quand je vous parle, c'est parce que je connais. Les honneurs là que tu as en salle, les 10 000 personnes. Mais parmi les 10 000 là, tu sais que combien sont sauvés dedans? Est-ce qu'il y a même deux qui sont sauvés? Moi, j'ai dit à Dieu, je veux un ministère maintenant. Si tu me donnes 50 personnes, quand la trompette sonne, je pars au ciel avec les 50 personnes là. C'est à ça que je travaille maintenant. Ce n'est plus les foules, les gens qui viennent là. Et parmi ces gens, il y a des sorciers, il y a des gens qui viennent te fatiguer là. Non, je veux la qualité parce qu'on doit partir au ciel. C'est ça le message. On doit partir au ciel parce que le temps est déjà là. On doit partir au ciel. Ça sert à quoi tout ça? On va m'acclamer, on va pas m'acclamer. L'autre est plus élevé que moi. L'autre, qu'est-ce que Dieu? Jésus a dit, votre gloire vient des hommes. Moi, ma gloire vient de Dieu. Changeons un peu notre mentalité. Alléluia, c'était un peu mon coup de gueule. Parce que quand je regarde un peu les réseaux sociaux, il y en a qui veulent se faire voir derrière les autres. Mon frère, moi quand Dieu bénit quelqu'un, je célèbre la grâce qui est sur ta vie. Je prie pour toi. Si j'écoute ton message, je sens que tu t'es égaré et que tu as dit une bêtise parce que ça peut arriver. Je prie pour toi que Dieu te parle et t'amène à corriger parce que nous tous on fait des erreurs. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, je parle de la sorcellerie familiale. C'est quelque chose qui est terrible. Pourquoi la sorcellerie familiale est terrible? Parce qu'en fait, personne ne choisit sa famille. Personne ne décide hein, où il va aller. Ce n'est que Jésus qui a choisi sa famille. Dieu a vu Marie, il a dit, bon, toi, tu peux porter Jésus. Et nous, là, chacun a atterri là où il a atterri. Pardon. Et tu as atterri, moi, je parle de moi, par exemple, dans une famille où on ne sait pas le Seigneur. Je vous ai dit que j'ai fait le bilan de ma famille. Je parle sur les réseaux sociaux, je ne me cache pas. Personne n'est parti au ciel, les deux côtés. Personne n'est au ciel. Pourquoi quand je rentre dans la parole de Dieu, et j'essaie de voir ce que la Bible dit, parce que Dieu m'a fait la grâce de lire la Bible, de comprendre un peu comment ça marche, de comprendre un peu qui est Dieu. Parce que Dieu n'a pas de sentiment, Dieu est dans sa parole. Il n'a pas de sentiment. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on ne comprend pas. Hein? Qu'on ne comprend pas. Moi, par exemple, hein, le livre d'Apocalypse, ces jours, si je ne le lis pas, parce que j'ai dit à Dieu, je n'ai pas envie de casser ma tête là-bas dedans. Je me contente d'abord sur ce que je comprends ici. Un jour, tu vas ouvrir mon esprit, je vais comprendre l'Apocalypse. Il y a des petits passages que nous lisons là-bas, mais je ne peux pas venir te prêcher dessus parce que je ne sais pas ce que je vais te dire là. Hein? Maintenant, les autres passages, je lis, je comprends l'Ancien Testament, le Nouveau, je comprends. Donc, nous sommes nés dans des familles où les gens avaient d'autres croyances. Parce que, regardez un peu, par exemple, en Afrique ou bien en Europe, l'Évangile est arrivé en Afrique en quelle année? 1960, par exemple. Hein? Mais avant, qu'est-ce que ces ancêtres-là faisaient? Qu'est-ce que ces parents-là faisaient? Qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Ils adoraient quoi? Vous savez que l'être humain est né avec un instinct d'adoration de divinité. Dieu nous a créés comme ça, il a créé Adam comme ça, avec un instinct d'adorer quelque chose, de se soumettre à quelque chose. Donc, vous voyez? Donc maintenant, avant que le réveil n'arrive, chez nous en Afrique, au Cameroun, peut-être c'est 1960. Mais avant 1960, les gens croyaient en quoi? Ils servaient quoi? Ils adoraient quoi? Certainement, chacun adorait ce qu'il voulait. Ils adoraient leurs fétiches. Ils adoraient. Et maintenant, ça a évolué. L'évangile est arrivé. Mais il y a toujours des familles qui sont toujours dans ces pratiques-là. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait ces pratiques, nos cellules enregistrent ça, des habitudes, hein. Les parents, il y a les fables qu'on raconte, les histoires qu'on raconte. Ah, vos ancêtres avaient fait la guerre, et puis, ils ont des pratiques. Je me souviens, le village de mon mari, il y a une entrée là-dedans, c'est la route qui va à Connaît, puis il y a une entrée. Là, c'est le goudron, mais quand tu entres là, c'est la poussière, c'est la saleté. Il me raconte l'histoire, il me dit, au temps de la guerre, les ancêtres de ce village-là se plaçaient nus en route. Ils montraient les fesses en route comme ça, nus, pour dire que les blancs ne vont pas arriver chez nous, ici chez nous, parce qu'en fait, ils se disaient et ils bénissaient que les blancs ne vont pas venir prendre les esclaves dans leur village. Donc, en fait, ils étaient en train de maudire leur village, qu'il n'y aura pas de développement chez nous, il n'y aura pas de route. Jusqu'à présent, il n'y a pas de route. Et parfois, quand il pleut, c'est trop grave. Jusqu'à ce qu'un jour on est parti, on a envoyé les pasteurs verser l'huile d'onction du goudron là jusqu'au village pour essayer un peu d'annuler ces malédictions, enlever ces malédictions là parce que l'ignorance. Donc ces gens là qui sont nos ancêtres et tout, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils adoraient leurs fétiches, ils adoraient et nous sommes nés dedans. Ils ont tissé des alliances pour être protégés. Il y en a qui adoraient des traditions, des animaux, et ça marchait pour eux. Maintenant, nous sommes nés là-dedans. Et Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer, de le connaître. Parce qu'il a dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Le Seigneur a permis qu'il y ait des personnes qui payent le prix pour apporter l'évangile. Et l'évangile arrivait jusqu'à nous. L'évangile arrivait. Et les blancs même sont arrivés, les missionnaires sont arrivés avec l'évangile qu'ils ont annoncé. Et au fur et à mesure, l'évangile a commencé à arriver. Moi, par exemple, je suis dans une famille religieuse, hein. On lisait la Bible, ce qu'on voulait lire dans la Bible. Notre père nous enseignait la Bible, ce qu'il connaissait, on partait à l'église. Mais jusque-là, il y avait des problèmes parce qu'il y a des réalités dans les familles. Quand je parle, par exemple, de la délivrance, il y a des hommes de Dieu que je respecte qui n'ont pas la révélation là-dessus. Et il y en a qui disent que non, laissez les affaires des ancêtres. Je ne les condamne pas parce que Dieu ne leur a pas accordé la grâce de comprendre. Ils sont meilleurs dans leur domaine. C'est comme un médecin peut dire à un scientifique, je sais pas, que moi, chez moi, c'est impossible. Hein, vous comprenez? Donc, chacun est calé dans son domaine. Hein? Donc, on ne peut pas connaître tout en même temps. Surtout que la Bible aussi est vaste. Elle est vaste. Elle est énorme. Donc, nous sommes donc nés dans ces histoires. Moi, je suis née dans cette famille-ci. Mais il y a des réalités. Vous allez m'expliquer comment que quand tu dors la nuit, tu manges. C'est des choses comme ça simples. Ce n'est même pas que c'est des théories. Tout est bloqué dans ta vie pendant qu'à côté, les autres réussissent. Il y a des familles où ça va. Où les gens réussissent normalement sans faire trop d'efforts. Où pour une femme, c'est normal de grandir, de fréquenter, de se marier, de travailler. Mais pourquoi dans certaines familles, ce qui est facile chez les autres, ce qui est normal chez les autres, est compliqué dans cette famille-ci, est difficile? Pourquoi là-bas les parents s'entendent facilement? Mais chez nous c'est la bagarre, chez nous c'est la guerre, chez nous c'est toujours les cris. Pourquoi là-bas les gens mangent? Ici les gens ne mangent pas. Pourquoi les gens ont l'argent là-bas? Ici il n'y a pas. C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui sont vraies. C'est des situations qui existent. Vous n'allez pas nous demander de fermer les yeux là-dessus? Pourquoi là-bas les gens ne meurent pas? Mais chez vous les gens meurent tous les jours. Pourquoi là-bas les gens vieillissent? Mais chez vous les enfants meurent, les jeunes meurent. Pourquoi là-bas les gens ont le travail? Mais chez vous il faut tourner en rond comme ça. Pourquoi là-bas les femmes accouchent en mariage? Mais chez vous on accouche qu'à la maison. Quand une femme passe se marier, elle n'accouche pas. Vous allez m'expliquer ça comment? Venez m'expliquer, vous allez m'expliquer ça comment? Ça commence dans les familles. Les familles sont sacrifiées, condamnées au diable, condamnées à Satan. Les familles sont famille tu es venu. Je parlais à une femme hier. Je parlais avec elle au téléphone. Et j'ai commencé à prophétiser sur elle. Elle est tombée dans le... Et je lui dis, ma chérie, ce qu'elle te dit, je ne te demande pas, je te dis ce qui s'est passé. Elle me dit, non, maman, je suis en Europe, je ne connais pas ma belle-famille. Je lui dis que tu dois connaître. Toi, tu dois connaître ta famille. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. N'est-ce pas, quand nous lisons l'histoire de Jésus, ça commence par la généalogie de Jésus, fils de tel. Ça commence à Seth, parce que Abel était mort. Dieu a éliminé Caïn. La généalogie de Jésus commence par Seth, le fils d'Adam. Seth a donné tel Enoch. Ça arrivait. David, jusqu'à... On est arrivé à Jésus. Pourquoi la Bible parle de la généalogie? Mais toi, tu es en Europe. Je m'en fous de ma famille, je ne sais pas, tout ça. Ma belle, tu pars marrer dans une famille. Tu ne sais pas qui est le père de ton mari. Tu ne sais pas qui était son grand-père. Tu ne veux pas connaître l'histoire de leur village. Et tu vas aller faire tes enfants là-bas. Tu vas aller dormir avec le type là, la femme là. Tu ne connais pas ce qu'on a fait dans leur famille. Tu ne connais pas les limites et tout. Tu vas te retrouver dans des problèmes qui vont te dépasser. Et ton pasteur va te dire que non, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bon. Peut-être dans son église, il n'y a pas de problèmes comme ça. Mais dans notre église, il y a des gens qui ont des problèmes compliqués. Donc, ça fait qu'on ne peut pas nier de telles réalités. On ne peut pas nier ça. Tu dois connaître ta famille. Le nom de ta famille veut dire quoi? Tu dois savoir. Ce n'est pas pour rester dans les traditions, dans les coutumes. Ça te fait des sujets de prière. Quand nous voyons les enfants de Dieu, les hommes de Dieu distraits, toujours en train d'attaquer les autres, en train d'insulter, parce qu'ils ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Ils n'ont pas de sujet de prière. Quelqu'un qui a des sujets de prière, qui est occupé comme moi, je suis occupé, il va me placer là pour commencer à clasher quelqu'un. Pour faire quoi? Je suis en train de travailler ma vie comme ça. Hier encore, le Seigneur m'a révélé des choses compliquées. Je suis restée comme ça. La Bible, si. Quand tu lis la Bible, tu penses que tu as tout compris dedans. Reviens encore lire le même verset que tu as passé le temps à lire. Quand le Saint-Esprit te révèle des choses, tu dis, hey, je croyais que j'étais déjà arrivé. On n'arrive pas avec Dieu. Dieu est comme ça, on ne peut pas le sonder. On avance seulement doucement. Tu dois connaître ta famille, sort d'où? Le nom de ta famille, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de ta famille, là où tu es parti en mariage, tu dois connaître les deux familles, ton géniteur, ta génitrice. Même là où on t'a adopté, tu dois connaître. Soyez curieux. Comment tu vas prier? Comment tu seras libre? Être délivré si tu ne connais pas. Dieu ne révèle pas tout. Il y a des choses que tu dois connaître. Le nom que tu portes veut dire quoi? Qui portait le nom là dans cette famille? La personne qui portait le nom que tu portes ici, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Son histoire, c'est quoi? Peut-être c'est quelqu'un qui était marié à une sirène des eaux. Et on t'a donné le nom ci. Et tu te plains que tu as les couches de nuit. Mais toute personne qui porte ce nom-là a des alliances spécifiques. À des alliances compliquées. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible comme ça. La sorcellerie dans la famille. La sorcellerie familiale. Ne sois plus indifférent. Tu as beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que tu as négligé. Quand je priais l'autre jour, je disais que je serais une belle-mère compliquée. Quelqu'un a ri. Hey, maman, tu seras une belle-mère compliquée. J'ai dit oui, je serai une belle-mère très compliquée. Quand tu vas vouloir venir épouser ma fille ou bien mon fils, que mon fils va venir t'épouser. Je vais d'abord poser toutes les questions. Savoir ce qui s'est passé dans ta famille. Est-ce que ceci... Si quelqu'un qui sort d'une famille où il y a l'inceste, le père couche avec tout le monde. Mon ami, ton enfant part dans une famille comme ça. Elle va t'accoucher les enfants comme ça. Tu vas passer toute ta vie à prier, Seigneur, prier. Mais non. Si nos parents ont fait des erreurs comme ça, mais nous corrigeons ces erreurs. Tu dois connaître. On adore quel Dieu dans ta famille. Tu dois savoir. Pose les questions. Prie. Si tu n'as personne à qui poser les questions. Seigneur, je sanctifie cette bouteille au nom de Jésus. Amen. Tu n'as personne à qui poser les questions. Pose au Saint-Esprit. Enfant de Dieu, quittons la distraction. Quand vous allez commencer à fouiller vos vies, c'est pour ça que quand nous faisons nos programmes de l'école d'Esther, demandez à ceux qui sont inscrits, ceux qui font les prières. C'est des choses et qui sont vraies. Et tant que ces choses subsistent dans ta vie, tu n'auras jamais le résultat de quelqu'un qui sort d'une famille bien. Et les familles bien là, c'est les nous comme ça qui avons reçu le Seigneur et qui payons le prix, parce que nous sommes en train de payer le prix pour nos enfants. Nos enfants ne vont pas souffrir si Jésus tarde à venir. Nous souffrons aujourd'hui parce que nos parents étaient ignorants. Nos parents, au lieu de chercher la délivrance chez Jésus, d'abord qu'ils ne connaissaient pas Dieu, nous amenaient chez les féticheurs pour aller encore nous enfoncer. Regardez un peu l'histoire de Salomon. Salomon n'a pas fait la guerre. Son père a fait la guerre à sa place. La Bible dit que le temps de Salomon, il était en paix pendant tout son règne. Pourquoi? Parce que son père a combattu pour lui. Maintenant, la délivrance que nous cherchons maintenant, nous, hein, enfants qui recevons le Seigneur et tout, nos enfants vont bénéficier de ça. Ils ne vont plus passer, ils ne vont plus aller chez les féticheurs, ils n'auront plus ce genre de racines, parce que nous, on est en train de sanctifier les racines, de purifier les racines, d'enlever, de briser les alliances, de nous déconnecter de toutes ces traditions, de toutes ces coutumes, de redonner une nouvelle éducation à nos enfants. Et nos enfants pourront mieux servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce programme? Je vous assure que n'écoutez pas les gens qui viennent vous distraire. Il y a trop de travail dans la vie. Moi, quand j'ai compris que ma vie est en chantier, hein, moi, j'ai compris que ma vie est en chantier. Je me suis dit que, vous me voyez là, hein, je suis concentrée sur ma vie. Et quand le Seigneur, quand je me suis donc concentrée sur ma vie, assise pour regarder ma vie, je n'étais plus en train de regarder les vies des autres, parce que c'était mon travail, hein, en train de parler des autres, en train de faire ceci. Je pouvais faire une journée, je ne prie pas. Seulement en train de critiquer, d'aller comme ci, d'aller comme ça, d'aller faire ceci, d'aller monter, d'aller descendre. C'était mon travail. C'est, quand je parle, c'était moi. Je ne parle pas de quelqu'un. Moi aussi. Quand le Seigneur m'a appelé pour commencer à me parler sur moi-même, il me dit comme ça, toi-même d'abord, hein, ta peau, la peau que tu as là, ce n'est pas ta vraie peau. J'ai commencé à jeter. Hein, jeter les années passées, jeter, enlève ça, j'enlève. Le Seigneur a commencé à me parler sur moi, que j'ai commencé à dire que je deviens moi-même comme ça. Hein? C'est parce que tu n'as pas le temps pour ta vie. Et le Seigneur a commencé à me parler sur ma vie. Les choses qui ont été faites. Hein? Ce n'est pas parce que tu sais, Dieu, que tu es à l'abri. Hein? Tu es dans une famille compliquée. Tant que tu n'as pas traité avec, ça va te prendre même à la dernière, mais tu vas partir en enfer. Regardez l'histoire de David. Pas David, Moïse. Un grand homme de Dieu comme Moïse. Il n'est pas entré à la terre promise, hein? À cause de quoi? La colère. Il est né avec. Il pouvait parler à la mer se fend. Il pouvait parler le ciel, ceci tombe. Il pouvait parler cela tombe. Il pouvait. Mais il s'est pas arrêté pour dire que je dois prier pour traiter moi-même. C'est pour ça que je dis que l'école d'Esther t'amène à mettre ta vie au propre. Personne n'ira au ciel avec une vie en brouillon, dans le brouillon, écrit sur le brouillon. Le brouillon, là, c'est ce que nous avons dans nos familles, là. Nous sommes venus avec. Et que nous-mêmes, encore, nous faisons que faire des erreurs, des choses et des choses. Et toi, au lieu de mettre ta vie au propre, tu es seulement en train de regarder les vies. Les vies des autres. Moi, quand Dieu m'a parlé de ça, m'a dit que ma façon de faire, ça a changé radicalement. Parce que dans ma tête-ci, pour rien au monde, j'ai dit au Seigneur que ta miséricorde, tu vas m'aider. Nos familles où nous sommes nés ici. Quand j'ai commencé à prier, que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux pour me montrer là où je suis née, j'ai tombé des nues. Je marchais en route, je parlais seule. Je marchais en route, je dis, mon Dieu, je suis où? Je suis où? Dans quoi? Maintenant, il faut donc se battre pour quitter. Parce que ce n'est pas facile. Tu es dans une histoire, par exemple, une famille, on adore le serpent. Je prends un exemple. Où tes ancêtres ont adoré les esprits des eaux longtemps, longtemps. J'ai une de mes filles qui m'a raconté hier pendant qu'on prie. Elle me dit, maman, elle était fiancée à un blanc ou marié ou fiancée. Et la famille, la belle famille ne l'aimait pas. Parce qu'elle était noire. Parce qu'elle est noire, pardon. Et son gars l'aimait. Il voulait l'épouser ou ils étaient déjà mariés, je ne sais plus. Et donc, la famille du gars a invité leur fils en croisière sur la mer, dans le bateau. Quand le gars est parti, il ne faisait que lui envoyer les messages que je ne dors pas bien, j'ai des cauchemars. Donc, en fait, les gars partaient l'initier au monde des eaux pour gâter son mariage. Le mari a une sirène des eaux pour gâter son mariage. Elle dit que dès qu'il est revenu, la relation est finie. Donc, tu es né dans une famille où on adore l'eau. Les sirènes des eaux, ils ont eu l'habitude d'aller mettre les choses dans l'eau, des pratiques, ou bien les arbres. Et ils font ça de génération en génération. Et quand ils font ça, hein, ils font des vœux, ils font des sacrifices, ils dédient leurs enfants à nos générations. Vraiment, vont vous... Maintenant, toi, tu es une génération qui est née de là. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu ne fais plus ça, que tu es dédouané de ça. Non. C'est comme si tu avais un livre de magie ou bien fétiche. Tu dis que bon, je ne pars plus chez les prêtres, faire la magie, je jette. Les esprits là, comme tu as jeté, les esprits sont partis. Non, il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Quand tu es dans une famille de sorcellerie, il te faut la délivrance. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont nés comme ça. Même si on ne peut pas te consacrer enfant de Dieu, serviteur de Dieu, les esprits là vont te réclamer. Tu auras des problèmes dans ta vie. Tu auras des problèmes, hein? Des problèmes dans ta vie. Tu auras des problèmes, des problèmes. Pourquoi? Parce que tu appartiens à ces esprits-là. Ils vont te discuter. Ils vont te réclamer. Et si toi, tu n'as pas cette connaissance, si tu n'es pas fort, hein? Mais ce n'est pas possible. Tu vas rétrograder. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu rétrogradent. Beaucoup d'enfants de Dieu rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore coupés. Ils n'ont pas d'autre la révélation. Je me souviens une année, je suis allée à un séminaire d'un homme de Dieu en Afrique du Sud. Et l'homme de Dieu faisait son témoignage. Parfois, quand vous voyez les gens réussir, hein, il faut un peu écouter leur témoignage. Il dit que dans sa famille, son grand-père était déjà un homme de Dieu réveillé, de l'église réveillée. Et quand lui, il est né, son grand-père a prophétisé sur lui. Pendant ce temps, toi, ton grand-père, c'était un sorcier. Ton grand-père mangeait les gens. Ton grand-père était cannibale. Comment est-ce que tu vas avoir le même impact dans le ministère que l'homme de Dieu dont le grand-père, était déjà un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, avec la connaissance réveillée? Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas. Tu vas seulement venir lui faire la jalousie. Mais lui, il y a des gens qui ont préparé son chemin. Quand Jésus est revenu, Jésus n'est pas arrivé sur la terre en désordre, hein. Le chemin de Jésus était préparé. Marie d'abord était vierge. David, Dieu a choisi Abraham. Il a écarté un peu tout ce qui était mauvais dans la lignée là, parce que Jésus devait venir par cette lignée. Mais nous sommes donc venus dans des familles où personne n'a préparé le chemin. Personne n'a préparé le chemin. Tu es tombé là. C'est là où tu te réveilles. Il faut que je cherche Dieu. Il faut que je prie. Il faut que je ceci. Tu as du travail. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que c'est fini. Hein. Tu as du travail. C'est pour ça que quand moi je vois, par exemple, un homme de Dieu qui a rétrogradé, qui a péché, avant je l'ai condamné. Mais là j'ai compris parce que j'ai plus de maturité. Je comprends que nous devons les soutenir dans la prière. Nous devons prier pour eux. Nous devons intercéder que Dieu les accorde la grâce. Que chacun se remette en question pour travailler à sa vie. Hein? Parce que quand tu es déjà élevé là, c'est difficile de t'arrêter pour dire que je travaille à ma vie. Hein? Hein? Voilà, mais si tu as trouvé le nom, c'est le nom de Dieu là que je parle. Ses ancêtres étaient déjà des hommes de Dieu, hommes de Dieu. Le gars est béni. Ça, il ne fait pas d'effort. Et un homme de Dieu comme ça ne peut pas te parler de la délivrance en profondeur. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas expérimenté les mêmes problèmes que nous, on expérimente. Nous, dont les ancêtres n'ont pas été sanctifiés, les fondements ne sont pas sanctifiés. Hein? Donc, pendant que toi, tu vas lui dire, homme de Dieu, moi, je mange encore dans les rêves. Il va te dire que, mais non, l'enfant de Dieu ne mange plus dans les rêves. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est bon. C'est sa dimension. Et vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'êtes pas sorti dans les mêmes familles. Donc chacun doit savoir. Moi, je dis toujours qu'un, quand j'ai commencé l'école Esther, je dis que je sais d'où je suis sorti. Je sais où je me trouve et je sais là où je suis en train d'aller. Donc personne ne peut me distraire. Je connais. Ne m'embrouillez pas. Il y a des femmes d'hommes de Dieu qui ne prient pas. Ah non, la foi de mon mari me couvre. Mon frère, un jour, mon mari m'a dit ça, que non, ma foi te couvre. J'ai dit que papa, je ne refuse pas que ta foi me couvre. Hein? Mais moi-même, je sais là où je suis sorti. Donc il faut que moi-même aussi, que je suis une foi qui me couvre. Il faut que moi-même, je creuse aussi ma part. C'est pour ça que moi, je sais le Seigneur. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Ah, mon père est pasteur. Oh, ma mère est pasteur. Oh, mon mari est pasteur. Je m'en fous. Hein? Moi, là, je ne peux pas m'en foutre. Je sais d'où je suis venu. Personne n'a besoin de me dire, je connais. Et je suis debout pour ça. Dans l'émission, si c'est pour réveiller quelqu'un, ne donc quelle personne est en brouille. Vous allez vous retrouver, vous êtes peut-être des amis, vous n'êtes pas sorti de la même famille. Chacune connaît d'où elle est venue. Attendez-moi un peu, je prends ça. Chacun connaît d'où elle est venue. Pas d'embrouille. Ah non, ceci, cela, non, mon ami, je connais ce que je vois quand je dors la nuit. Hein? Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ont été sacrifiés à servir le diable. Les maris de nuit comme ça. Il y a des gens, hein? Tu as déjà prié dans tous les sens. Mais comment? Pourquoi ça peut toujours rester? Il y a une soeur qui était venue à une de mes retraites l'année passée. Sa fille, elle a épousé un sorcier. Elle a divorcé avec le gars. Le monsieur sorcier, il a donné la sorcellerie à sa fille. La fille a le serpent. Le serpent est dans le corps de sa mère. Ça pique partout, les parties intimes, ça pique la tête, ça pique ceci. La femme, ce qui était à la première retraite l'année passée, vous connaissez la femme là. On a prié le Seigneur, l'a libérée. Quand on a commencé la délivrance, la femme la tournait comme le serpent, comme ça. Sa fille était là. Parce qu'elle disait que maman, j'amène ma fille, on va la délivrer. La fille était fâchée comme ça, elle me regardait comme ça. Parce que sa mère était en train d'être délivrée. J'ai dit à la fille, là, viens, je vais prier pour toi. Elle me regarde, je lui dis, tu veux être délivrée. Elle ne parle pas. Donc, elle ne voulait pas la libération, la délivrance. Elle n'avait pas été délivrée. Parce que la délivrance se désire. Et la femme me dit, maman, aidez-moi une femme. Quand je finis de saigner le sang, c'est l'eau. Donc, moi, je porte les serviettes là toute l'année. Quand le sang finit de couler, c'est l'eau qui coule. C'est l'eau qui coule de moi. La femme avait des problèmes. Quand elle m'appelait, elle a rasé les cheveux. Elle, le serpent, ça pique ici, ça pique là, ça pique là, ça pique en bas. Ça... Quand la femme est rentrée de la retraite, elle était délivrée. Le serpent est parti. La femme était contente. Une semaine après, la femme, elle habitait Lyon. Elle habite Lyon. Elle a encore pris le train pour venir à Paris. Le serpent est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille sorcière, elle me dit, maman, quand nous sommes rentrés, ma fille était énervée, fâchée, parce que j'étais délivrée. Sa fille qu'elle a accouchée, sa fille reste comme ça, qu'est-ce que je vais faire à la femme? Elle a piégé sa mère sur le dos de sa soeur. Elle a l'endroit, elle a mis le serpent. Donc, quand vous parlez des choses, les gens pensent que c'est des blagues. Elle a mis le serpent sur le dos de sa soeur jumelle. Et sa soeur se lève, parce qu'elle savait que c'était sur elle, sa mère n'allait pas la toucher. Sa soeur se lève, maman, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Masse-moi, masse-moi. La mère prend, elle vient, elle commence à masser. Elle prend l'huile d'onction, mais elle commence à masser l'enfant. Pendant qu'elle masse sa fille ici, elle sent la chair de poule, elle sent comment quelque chose entre encore en elle. Le serpent est revenu. Dès que le serpent est entré, sa fille, la sorcière, a commencé à rire. Alors qu'elle était fâchée. La femme est revenue. Elle est revenue à l'église dimanche. Ceux qui étaient à l'église à Paris le dimanche l'ont vu. Elle est revenue. On a encore prié. Délivrance encore. Qu'elle est encore rentrée. Hein? Elle m'appelle pour me dire, maman, je suis fatiguée. On a trop prié pour moi. Je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que quand je parle de la sorcellerie familiale, c'est le père qui a donné la sorcellerie à sa fille pour détruire l'enfant. Et dans la famille de ce papa-là, tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Vous voyez, une femme comme ça, maintenant, elle est perdue. Rien ne marche dans sa vie. Dès qu'une bonne chose va arriver, fiup, c'est parti. Tu dois t'arrêter pour dire que non, je dois quitter les choses comme ça. Et si tu es parti encore, parce que quand tu es dans une famille de sorcellerie, ils vont seulement te diriger vers les... Tu ne peux pas épouser un homme qui est bien. Tu vas seulement épouser un homme aussi qui est sorcier. Dont la famille, parce qu'ils communiquent. La sorcellerie familiale est très compliquée. Et ça passe par quoi? Les traditions, les coutumes. C'est là où les sorciers vous prennent. Oui, tel est mort. Allez raser les cheveux. J'ai posé la question. Ils vous disent là où ils mettent vos cheveux, qu'ils arrasent souvent. Quand il y a deux là, on rase les cheveux. On vous dit là où on met les cheveux. On vous a dit là où on met. Quelqu'un m'a dit que non, les cheveux là, on met ça dans la tombe avec le mort. On l'enterre avec tes cheveux. Toi, tu es sur la terre, tu es vivant. On rase tes cheveux, on part mettre dans la tombe. Tu sais ce que c'est que tes cheveux? On coupe tes ongles, on part mettre. Ah oui, les traditions. Oui, notre ancêtre, notre père avait dit que quand il va mourir, on doit se laver sous sa tombe. Ah oui, notre père avait dit que quand il va mourir. Es-tu pas écouté encore les histoires comme ça? Tu vas encore écouter ça et tu vas encore faire. Et tu aimes ça. Et tu amènes tes enfants faire ça. Hey! Hey! Tu vas finir ta vie comme ça, tu vas aller en enfer. Tu vas finir ta vie comme ça. La sorcellerie de la famille est trop compliquée. Quand vous connaissez que vous êtes dans une famille à la sorcellerie, comment savoir que tu es dans une famille à la sorcellerie? Une famille qui a la sorcellerie, hein? Il y a des signes. Les familles toujours qui sont divisées, où il y a la jalousie. Parce que parfois, ça ne se lit pas sur le visage. Il y a la méchanceté, la jalousie. On n'adore pas Jésus-Christ de Nazareth comme le vrai Dieu. C'est la religion, hein, où on vous permet d'aller chez les féticheurs. Il y a la sorcellerie dedans. C'est ça. Il y a la sorcellerie. Où les choses sont toujours bloquées. Les gens n'avancent pas. La pauvreté, c'est le signe de sorcellerie. Les blocages, les maladies bizarres. Des choses bizarres. Tu fais des rêves bizarres. Hein? Des choses vraiment bizarres. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Commence à chercher le Seigneur. Et le plus grand signe encore, c'est que quand tu vas recevoir Jésus, le vrai, hein, les abeilles de ça, même les gens qui ne te calculaient pas, vont mettre la bouche sur toi. Sache que dans ta famille, là, il y a la sorcellerie. Et commence d'abord par arrêter leurs affaires de tradition, les coutumes, là. Quitte sur ça. Quitte sur ça. Quand il y a deuil, on va aller danser les danses. Ne danse plus ça. On va aller couper la chèvre de ceci pour ne mange pas. Oh, amener les enfants, on va laver. Ah, n'amène pas tes enfants des dents. Ne sois pas comme. Parce que parfois, c'est pour faire plaisir aux gens. On ne fait pas plaisir. Ne fais plus plaisir aux gens en allant pécher. Non. Faites plaisir à Dieu. Ne faites plus plaisir aux gens en allant pécher. Non, moi, hein, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. On a longtemps fait plaisir aux gens. Nos vies là sont où? Hein? Il faut prier comme ça. Ça fait 3 mois, je ne dois pas la nuit se mettre à prier, prier, prier, prier. C'est un homme de Dieu qui m'a dit, maman, ça fait quand même 3 mois qu'on prie. Hein. Toutes les nuits, on est là, on prie. Et c'est vrai. Ça fait plus de 3 mois que toutes les nuits, on ne dort pas pour prier. Après, tu vas repartir encore dans les conneries comme ça, là. Ou bien tu vas aller épouser parce que tu cherches le mariage. Non, je n'ai pas seulement un mari. Bon, je n'ai plus de choix. Quelqu'un qui va te ramener encore, aller couper les chèvres, aller te laver au bord de l'eau, aller faire les pratiques. Pas que tu cherches le mariage. Parce que tu cherches le mariage. Hein? Parce que tu cherches le mariage. Mieux, je reste comme ça à table, Jésus vient me chercher. La sorcellerie de la famille. Cherche les informations de ta famille, de ta belle famille. Tu dois chercher les infos. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Tu dois connaître toutes les informations. Là, c'est écrit quelque part. Ça devient tes sujets de prière. Pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants. Tu dois prier jusqu'à détruire ça. Tu dois connaître. Tu dois savoir. Il y a des gens qui n'aiment pas raconter. Oui, tu caches. Tu dois chercher. Tu ne connais seulement chercher pour les vies des autres. Cherche pour toi-même. Ça va t'aider. Ça va t'aider à avancer. Ça va t'aider. Tu dois avoir des informations sur ta famille. Tu dois connaître. Dans la Bible, quand tu lis tel fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils d'Isaïe, fils de ceci, fils... Pourquoi la Bible mentionne ça? Parce que les parents là ont une incidence sur l'enfant. Tu dois connaître. Tu dois savoir. Et tu dois combattre la sorcellerie familiale. Je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est leur mot d'ordre. Quand tu es dans une famille de sorcellerie, tu as la sorcellerie. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin. Parce qu'il y a 3 formes de sorcellerie. La sorcellerie dans le sang. D'ailleurs, quand tu es né dans une famille qui a la sorcellerie, tu vas naître avec. La sorcellerie inconsciente. On active la sorcellerie dans ton sang, tu deviens inconscient. Et quand tu es un sorcier inconscient, tu es le jouet. Ils font de ta vie. C'est pour ça que ta vie ne marche pas. Ils vous ont tous transformé en sorcier inconscient. soit tu es le cheval la nuit, ou tu es ceci la nuit, ou tu es cela la nuit, ou bien tu es comme si, tu n'es qu'une épave. Tu n'es qu'une épave. Et si tu continues encore, paf, tu deviens sorcier conscient. Tu tues les gens maintenant. Tu vas aller dans quel ciel? Tu pars dans quel ciel? Tu m'expliques. Peut-être tu n'as pas les projets d'être dans l'eau ciel. Tu n'as pas les projets dans l'eau ciel. Deviens un vrai sorcier et tu fais ce que tu as fait et tu sais que tu vas aller en enfer. Mais ne sois pas qu'on te joue au milieu comme ça. Non, ne laisse pas qu'on te joue au milieu comme ça. Choisis ton camp. Refuse ça. Cherche la délivrance. Ça passe par Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu reçois Jésus, ce n'est pas toi. Spirituellement, je n'ai pas dit de ne plus saluer tes gens avec qui vous êtes dans la même famille, de ne plus assister. Les réunions de famille de sorcellerie où on parlait de ne parle pas là-bas. Va à l'église. Cherche ta libération. Cherche ta délivrance. Cherche le Seigneur sérieusement. Que le Seigneur te libère. Et vis ta vie avec Dieu. Prie pour tes enfants, parce que si toi tu les échappes, ils vont vouloir attaquer tes enfants. Si dans les familles comme si il y a les totems, ne pense pas que tu es, exempt ou bien je ne sais pas quoi. Il y a un totem par exemple, un serpent là qui est en train d'avaler les gens. Tu penses qu'il ne va pas te chercher. Dès que tu auras une petite faille, un petit moment de faiblesse, bah, tu as une attaque. Tant que tu n'es pas séparé. Et dans notre programme, si on s'est séparé, séparés comme ça. Et tous les jours, le Seigneur nous montre comment on est parti. Moi-même, je fais des rêves où, j'allais que tu arrives, on te chasse seulement, on te chasse. Comme... Tu as dit que tu n'es plus chez nous, tu pars, pas. La plupart des gens font les rêves comme ça. Parce qu'il faut quitter ces choses-là. Ça commence spirituellement. Tu dois quitter ça, refuser. Confesser le Seigneur Jésus tous les jours. Demander au Seigneur de te libérer. Et tu dois beaucoup, beaucoup lire la Bible. Lis la parole de Dieu. Quitte dans les affaires où on insulte les hommes de Dieu, là, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un, ne l'insulte pas. N'aide pas les gens à pécher. Quittez sur ça. La sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vécu ça. Donc moi, je parle parce que je sais. Quand je m'assois pour penser à ma naissance jusqu'à présent, je m'assois pour penser à mon enfance jusqu'à présent, ce par quoi nous sommes passés. Je dis, hey, Jésus, on a grandi. Hein? On a fait comment pour s'en sortir? C'était chaud. C'était compliqué. Ah Dieu, tu avais vraiment la main sur nous. Est-ce que tu comprends? Donc tu penses que tout ce qui s'est passé là, ça n'a pas d'incident dans ta vie. Tu avais des parents qui ne s'entendaient jamais, toujours en train de se bagarrer, en train de s'insulter. Le père est monté, la mère... Tout ça là, ça joue sur toi aujourd'hui. Tous les problèmes que tu as aujourd'hui là, ça vient de là. Et tant que tu ne t'assois pas pour commencer à traiter ça, tu auras toujours les problèmes. Tes enfants auront les mêmes problèmes. Dans ton foyer, tu vas vivre le foyer de tes parents dans ton foyer. Je te dis, tu vas vivre ça dans ton... Que tu le veuilles ou pas, peut-être avec des différences, hein? Peut-être avec un peu d'amélioration parce que les temps auront changé. Mais ça sera pareil. Si tes parents ne s'entendaient pas, toi, tu ne peux pas t'entendre avec ton mari ou ta femme. Si tu ne t'arrêtes pas pour faire bien, pour dire que, hey, ce que j'ai vu chez mes parents là-bas, je ne peux pas continuer ça ici. Et arranger ça. Tu vas vivre les mêmes choses, les mêmes frustrations, les mêmes blocages, les mêmes ceci. Tu vas vivre la même vie. Tant que tu ne t'arrêtes pas pour dire que c'est bon comme ça, il faut que ça change. Et ça ne peut que changer avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le Seigneur le jour où il avait touché le cœur d'un voisin pour venir dire à ma mère, il y a quelqu'un qui prêche là-bas. Je prie, je dis que je prie encore pour le type là pour le bénir. C'est pour ça que tu dois évangéliser. Parle de Jésus à quelqu'un à côté de toi. Tu ne connais pas les problèmes que les gens ont. Les gens souffrent. Dans les familles, les gens souffrent. Les femmes dans les foyers souffrent. Les enfants dans les maisons souffrent. Les hommes même souffrent. Les gens souffrent. Leur solution, c'est dans ta bouche. Dis-leur que Jésus peut les aider. Ça commence là. Mais toi, tu es distrait. Tu es tellement distrait, occupé à faire des choses inutiles. Le Seigneur va te demander les comptes. Quittons la distraction. de Jésus à côté de toi. Parle. Maintenant, même les réseaux sociaux, envoie seulement les vidéos. Prie pour ces personnes-là. Prie que le Seigneur délivre ces personnes. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, des maladies bizarres. Je vous ai fait le témoignage, je vous ai écouté le témoignage d'une dame avec qui on a prié 2 ans. Infection urinaire. Infection urinaire, c'est une maladie qu'on peut négliger, mais c'est une maladie désagréable. Moi, j'ai souvent eu des infections urinaires. Hospitalisées. C'est des choses, tu vas négliger, tu vas négliger, tu vas négliger. Non, mais quelqu'un à côté souffre seulement de ça. Ah, je suis toujours à l'hôpital. Ah, j'ai rendez-vous. Tu fais quoi à l'hôpital? Une maladie qui va te fatiguer. 2 ans, quelqu'un boit les antibiotiques. 2 ans. Parlons de Jésus. Hein. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchons l'évangile aux gens. Et prions aussi pour ces gens-là. Prions pour ces gens. Que Dieu leur accorde la grâce. Et toi-même, ne t'oublie pas. Bats-toi pour ta vie. Tant que tu n'as pas encore le répit, tant que tu ne peux pas avoir un sommeil doux et paisible où tu dors, hein, où tu dors, tu es en paix. Ne laisse pas. Prie. Quand ça te dépasse, pardon, cherche la délivrance. Quand tu ne te trompes pas, le taux de délivrance, hein, on va venir me démontrer autre chose ici. Mais votre taux de délivrance ici, je ne crois pas trop à ça. Ça, c'est moins. Hein, je suis libre de croire ou de ne pas croire. Je ne crois pas trop à ça parce que quand quelqu'un est possédé, vous connaissez ce que ça on appelle la possession? Quelqu'un a des démons qui habitent dans son corps ou bien des choses compliquées qui le fatiguent. Et puis tu vas dire que va prier, va prier, va prier. Jésus priait sur les gens. Il guérissait les malades. Il imposait les mains sur les malades et était guéri. Jésus, non. Mais toi, on va te dire va prier, va prier. Quand quelqu'un est malade, la personne peut prier. La personne qui est malade est fatiguée. Même pas le moral. La Bible dit que si quelqu'un est malade, que les anciens prient pour lui, hein, en oignant d'huile. Alléluia. Donc tu dois te battre. Ne néglige pas un problème. Ne néglige pas un détail. Ton enfant, observe tes enfants. Moi, je suis mère bizarre. Hein. Je dis qu'il n'y a pas un détail qui passe sous mes yeux. Je vois tout. Quand mon mari se réveille le matin, les yeux rouges, je dis que tes yeux sont rouges, il y a quoi? Mon enfant, je dis que toi, tu sais comment? Je bavarde. Parce que je suis éveillée. Le diable ne va pas venir prendre quelque chose sous mes yeux. Battons-nous vivants. Refusons la sorcellerie, les traditions, les coutumes. Ah oui, ne pars pas avec tes enfants là-bas. Toi-même, ne pars plus là-bas. Ne pars plus là-bas. Je viendrai encore dans d'autres vidéos pour vous parler de la sorcellerie. Hein, vous comprenez? Je veux d'abord que vous vous réveillez, que vous compreniez que la famille où tu es né, là où tu penses que tout le monde est bien si. Commence seulement à dire à Dieu que Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle des gens où je suis si. Peut-être même quand tu vas te réveiller le matin, tu ne vas plus saluer quelqu'un. Tu dois te lever pour combattre. Sors de ton sommeil, de ta complaisance. Voici le 6e mois qui finit. Nous allons entrer à la 2e partie de 2020. Les sorcières ont bloqué les dossiers. Tes dossiers sont bloqués. Pourquoi bloqués? Des sorciers? J'ai une personne avec qui je prie. On est dans le programme ci. Elle me dit, la personne me dit, maman, déjà j'ai mes problèmes de papier. Ça fait des années, mes papiers, j'ai mes amis, les papiers sont assortis. On a pris un temps de prière, on a prié ensemble, je priais pour lui. Quand on finit de prier, donc le Saint-Esprit révèle son esprit, appelle un peu l'avocat qui suivait ton dossier. Quand il prend son téléphone pour appeler l'avocat, on lui dit que l'avocat avait démissionné une semaine après qu'il a déposé le dossier. Donc le dossier est inexistant, on ne le trouve pas. Lui, il est assis, il sait que ça fait 3 ans, un avocat gère son dossier. Hein? Là-bas, le dossier a disparu, l'avocat même n'est plus là. La sorcellerie. Vous jouez avec les sorciers. Ils ne sont pas gentils du tout. Il me dit, maman, le type a pris mon argent. Il est parti. Donc moi, je suis là, j'attends qu'on va m'appeler un jour, que viens prendre tes papiers. Alors que le dossier même n'est même pas parti quelque part. C'est quand on finit de prier que le Saint-Esprit réveille son esprit. Mais tu es là, tu dors. Hein? Tu n'as même pas un dossier. Regarde un peu. La sorcellerie t'endort. Quand tu es sous l'emprise de la sorcellerie, hein, tu es aveugle. Tout pour toi est normal. Tu es malade, c'est normal. Tu as des problèmes, c'est normal. Ton enfant malade, c'est normal. Et tout est bloqué, c'est normal. Tu as les dettes, c'est normal. Mon ami, c'est la sorcellerie. Tu fais des mauvais rêves, c'est normal. Tout pour toi est normal quand tu es sous l'emprise de la sorcellerie. Tout est normal. Tout est normal. Mais quelqu'un, parce que la sorcellerie endort ton esprit. Mais quelqu'un qui a l'esprit éveillé, dès qu'il y a un petit truc, le Saint-Esprit te dit que lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, commence à combattre. Commence à combattre. Et la sorcellerie se combat à plusieurs niveaux. Un, quand tu es né dans une famille de sorcellerie, combat ça dans ton sang, combat ça en toi. Hein? Sorcellerie inconsciente, sorcellerie dans le sang. Maintenant, c'est là où tu as besoin de la délivrance. Maintenant, quand ça vient de l'extérieur, c'est là où les prières de combat interviennent. Où tu peux te lever et tu envoies le feu et tu détruis leur programme et tu détruis leur plan et tu détruis. Mais quand c'est en toi, c'est là où tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la libération. Le combat spirituel, c'est beaucoup plus et c'est très efficace pour l'extérieur. Hein? Avec la grâce de Dieu, si tu peux prier pour combattre en toi, mais c'est là où ça passe par le ressort de la délivrance. Quand l'apôtre Paul dit, nous si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons hein, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les raisonnements et ainsi de suite. Hein. Maintenant donc, on les combat, on a les armes, on fait le combat spirituel, on prie pour détruire tous les blocages, détruire les attaques, les esprits qu'ils envoient. Hein. Mais tant que l'ennemi est à l'intérieur, un jour tu vas te fatiguer. Et l'ennemi qui est à l'intérieur va ouvrir la porte à l'ennemi de l'extérieur pour t'achever. C'est pour ça que vous voyez tout ce qu'il y a comme scandale à l'église. C'est pour ça que vous voyez les gens qui tombent, les choses que vous voyez ici. Au lieu de les condamner, prions pour ces personnes. Prions pour ces personnes parce qu'elles sont manipulées. Personne n'est à l'abri. Si l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». L'apôtre Pierre, arrière de moi Satan. Hein? Ça veut dire que le diable l'a utilisé. Le diable peut utiliser aussi tout le monde. Mais prions. Alléluia. Nous allons prier, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que tu as compris que tu dois te lever contre la sorcellerie. Si tu veux réussir, combat la sorcellerie. En toi. Pour aller au ciel, hein? Parce que tu peux finir de combattre tous les sorciers de la terre. Je vous envoie le feu, ça marche. En toi, si tu continues à faire des mauvais rêves, tout ça, tu ne peux pas aller au ciel. Vous êtes les mêmes gens, juste que toi, tu as une puissance plus que leur puissance, c'est tout. Donc, je t'amène à être équilibré et raisonnable. Pense à toi-même d'abord, il faut être délivré. De toute influence là, tu dois être délivré de ces esprits, délivré de ces alliances, de ces malédictions, de ces liens. Tu dois être délivré pour mieux combattre. Je ne t'ai pas dit de ne pas combattre, d'attendre ta délivrance parfaite. Tout ça, ça va ensemble. Hein. Pendant que tu cherches ta délivrance, tu combats. Tu pries que Dieu te libère hein, toi-même. Hein, et puis, tu pries pour que combattre ceux qui t'attaquent, combattre tes ennemis, combattre ceux qui viennent contre toi. Donc, nous sommes des soldats. Il n'y a pas de repos. C'est comme dans le livre de Néhémie. Un bras pendant qu'il construisait la muraille. Un bras portait la pelle. L'autre bras portait l'arme pour combattre. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Tant que nous sommes sur la terre. Donc ne soyons pas distraits. Soyons concentrés. Tu es une maman, sois concentré. Tu es mariée, sois concentré. Tu veux te marier, sois concentré. On va venir t'embrouiller. Dès qu'on t'embrouille ici, on te frappe là-bas. Sois concentré. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Nous allons prier. Dans le nom de Jésus, je vais d'abord te conduire au Seigneur. Parce que toutes les prières qu'on va faire ici, si tu n'es pas conduit au Seigneur, ça ne sert à rien. Alors toi qui as écouté cette vidéo, tu as des problèmes de sorcellerie, la clé, le début de ta délivrance commence. Hein? Est-ce possible d'être chrétien et africain en même temps? Où est la différence? Jésus est venu pour tout le monde entier, pour les chrétiens, les européens, les américains. Hein? Jésus est venu mourir pour l'homme, pour l'être humain. Donc tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Moi je dis enfant de Dieu, pas chrétien. Parce qu'un enfant de Dieu est né de Dieu, il a le Saint-Esprit. On peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Alléluia. Donc, fais cette prière avec moi et déclare, Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur et que lui seul peut me délivrer de la sorcellerie. Seigneur, je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève. Pardon pour les péchés de mes ancêtres et pardon pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, accorde-moi le Saint-Esprit. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier contre la sorcellerie familiale. Les sorciers de nos des familles là, où tu es né là. Moi, j'appelle ça comme ça. Nous devons paralyser leurs actions. Mais avant de commencer chez eux, commence à allumer le feu. Commence à allumer le feu dans ton âme. Allume constamment le feu dans ton âme. Allume constamment le feu dans ton esprit. Allume constamment le feu dans ton corps. Parce que ton être comporte trois partie, l'esprit, l'âme et le corps. Ça doit être ta prière. Quand tu allumes le feu dans ton âme, dans ton esprit, et puis tu laves ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus à chaque instant. Si tu n'as même pas de quoi prier, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas de sujet de prière, commence-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. J'invoque le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu dans mon corps. On a dit que le feu, le sang, le feu, le sang. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Même si tu n'as rien à faire, tu n'as pas envie de prier, parce qu'il y a des jours où on n'a même pas envie de prier. Fais seulement ce genre de prière. Et le Saint-Esprit fait son travail. Le Seigneur te libère. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Dis, Seigneur, lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. Alors parle, déclare. Je me lave dans le sang de Jésus. Commence d'abord par te laver avant d'allumer le feu. Dis, je me lave dans le sang de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps dans le sang de Jésus. Je lave l'âme de mon mari dans le sang de Jésus. Je lave l'esprit de mon mari dans le sang de Jésus. Le corps de mon mari dans le sang de Jésus. Les esprits de mes enfants dans le sang de Jésus. Les âmes de mes enfants, je lave dans le sang de Jésus. Dans ma famille, comment tu laves les âmes dans le sang de Jésus. Après, tu commences à allumer le feu dans l'âme. Allume le feu dans l'esprit. Dis, Seigneur, j'allume ton feu dans mon âme. J'allume ton feu dans mon esprit. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute semence de sorcellerie dans mon âme, dans mon esprit. Prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute semence de sorcellerie, de méchanceté. Toute semence que l'ennemi a sémée dans mon esprit, dans mon âme. Le feu de Dieu consume cela au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, dans l'âme de mon mari, son esprit, j'allume le feu dans son corps. J'allume le feu dans les âmes de mes enfants, dans leurs esprits, dans leur corps. J'allume le feu de Dieu. J'allume le feu de Dieu. J'allume le feu de Dieu au nom de Jésus pour consumer tous les plans de l'ennemi, toutes les semences démoniaques, tous les poisons sataniques dans mon âme, dans mon esprit. Que le feu de Dieu libère mon âme. Que le feu de Dieu libère mon esprit, que le feu de Dieu purifie mon âme, que le feu de Dieu purifie mon esprit, que le feu de Dieu purifie mon corps, au nom de Jésus, Père éternel, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, oui, implore la miséricorde de Dieu, allume le feu, tu dois faire cette prière pendant longtemps. Quand tu vas faire cette prière, tu vas te rendre compte qu'il y aura des choses. Si tu as des choses dans ton corps, tu vas commencer à sentir ton corps en et le feu là en train de brûler. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça brûle seulement tout ce qu'on a sémé. Tout ce que ton esprit a enregistré. Tout ce que ton âme a enregistré. Parce que c'est avec ton âme et ton esprit que tu passeras ton éternité. Quand ton âme est libérée, ton esprit est libéré, ta vie marche. Les traditions, les coutumes et la sorcellerie, on s'en fout de ça. Ils utilisent les démons. Jésus-Christ de Nazareth, Colossiens, Dieu nous dit quoi? Que personne ne fasse de vous sa proie par les rudiments du monde, les traditions, hein, les coutumes là. Quittez les traditions, quittez les coutumes. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vraie tradition, c'est la vraie coutume. Tu allumes le feu comme ça en toi. Pendant même 10 minutes, tu allumes le feu. Moi, je t'enseigne à prier. Hein? Il faut que tu exerces ça à la maison. Maintenant, quand tu finis d'allumer le feu en toi, sur les personnes, hein, ça fait que s'il y a quelqu'un dans ta maison qui a un esprit, parce que le diable peut mettre son esprit dans quelqu'un pour venir te nuire, t'énerver, les enfants qui sont toujours turbulents, ton mari qui te dérange, la femme qui est bizarre, ta femme un jour, elle se lève le matin, elle te salue, elle ne te salue pas, allume seulement le feu dans son esprit, dans son âme, tu lui envoies le feu. Ce n'est pas que c'est ton ennemi, mais ce sont les esprits qui sont en elle là, ou bien qui la manipulent là, qui sont tes ennemis. Tu allumes le feu, tu vas voir qu'elle va redevenir normale. Ses esprits redeviennent normaux, même toi-même. Donc, quand tu finis d'allumer le feu sur tout le monde à côté de toi, ton mari, ta femme, dans ton lieu de service, partout, tu pars tous ces êtres humains-là pour que le diable ne les utilise pas contre toi. Tu allumes maintenant le feu dans ta maison, toutes les pièces, tout sur les tables, les chaises, toutes les pièces, tu allumes le feu à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu allumes le feu partout. S'il y a un démon qui est caché, il va partir. S'il y a un esprit ou un sorcier qui est en mission, il va changer sa route. Ton trajet où tu vas au travail, sur tout le trajet, tu allumes ton feu. Quand tu vas au bureau, avant d'arriver dans ton bureau, tu allais allumer le feu. Tes enfants vont à l'école, tu allais allumer le feu. Hein? Soit tu te lèves tôt le matin pour prier, soit tu pries toute la nuit. Moi, je prie souvent toute la nuit. Hein? Et je me réveille un peu tard. Donc, pendant que vous dormez, je suis en train de prier. Quand mes enfants vont aller à l'école, le chemin est déjà balisé. J'envoie seulement le feu, le feu, le feu. Ça fait que quand le diable va vouloir programmer quelque chose contre toi, à cause du feu, ça ne va pas marcher. Toute arme forgée contre toi, nulle et sans effet, par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Tu dois savoir les utiliser parce que tu es un soldat. Tant que tu n'utilises pas ces armes, tu auras trop de problèmes. Dans toutes tes entreprises, tu travailles ou bien tu vends au marché, dans ta boutique, allume le feu. Tu es en train de, je sais pas, tu as une activité dans ton entreprise. Toutes les personnes qui travaillent là-bas, allume le feu. Tu es un chef d'entreprise. Tu dois prier, allumer, envoyer le feu sur chacun de tes employés. Là, le diable ne va utiliser personne contre toi. Au nom de Jésus. Si tu vends au marché, par exemple, il y a des gens qui vendent au marché, tes voisins, hein, sont des sorciers et pas un marabout. Et le marabout lui dit de venir te donner de l'argent. J'ai écouté des témoignages comme ça. Et tu viens, on te donne l'argent, peut-être un billet. Fuis tout ton argent par là-bas. Tu vas rester une journée, même si personne ne peut venir devant ta boutique. Tous vont chez tes voisins. Parce qu'ils viennent faire des pratiques sur ton comptoir, devant ta boutique, mon ami. Allume le feu. La personne qui va s'amuser va brûler. Tu allumes seulement le feu partout. Il y a des gens qui travaillent, qui vendent. J'ai une de mes filles comme ça. Elle travaille dans une grande boîte au Cameroun là-bas, une boulangerie. Elle me dit, maman Dédé, l'argent disparaît dans ma caisse. L'argent disparaît dans ma caisse. Vous pensez que c'est quoi? Elle me dit, je ne vole pas. Tous les mois, on me coupe mon salaire parce que l'argent disparaît. Et quand ses patrons veulent les payer, elle me dit, maman, de l'argent qu'on nous paye à la fin du mois. Notre patron, il prend l'argent de notre salaire, il pose ici. Hein? Il allume les bougies autour. Il ne cache pas. Hein? Et même, il voit. Donc, quand il me raconte ce qu'elle connaît, comment on fait. Et il pose autour. Il fait les pratiques. Après, il nous paye. Maman Dédé, l'argent là, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Je lui dis que quitte là-bas. Quitte vite là-bas. Quitte là-bas. Est-ce que tu comprends? Même ton salaire qu'on te donne là, tu fais quoi avec? Rien. Pourquoi? Parce que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on doit combattre bec et ongles, corps et âme, esprit. On ne doit pas tolérer la sorcellerie. Partout là où tu passes, c'est le feu. Un sorcier ne doit pas être à l'aise là où tu es. Un sorcier doit être mal à l'aise là où tu es. C'est-à-dire que dès que tu arrives, il ne veut même pas te sentir parce que tu le mets mal à l'aise. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Tu allumes le feu partout. Tu vas voir que tes affaires vont marcher. Tes choses vont marcher. Mais n'oublie pas ta délivrance. Ta délivrance est très importante. La délivrance, c'est ça qui t'amène au ciel. Le feu, là, c'est pour réussir sur la terre, pour que tes choses avancent. Le combat spirituel, c'est ça, hein, pour réussir sur la terre, pour être épanoui, pour que ton étoile brille, pour avoir ce qui t'appartient. Mais la délivrance, c'est pour ton salut. Parce que tant que ces esprits-là sont en toi, ils t'amènent à pécher de façon consciente ou inconsciente, dans les rêves. Ça va te pousser toujours à pécher, puisque ça téléguide ton homme intérieur. Ton homme intérieur est sous embargo des esprits. Tu as besoin d'être libéré, hein, d'être libéré pour vivre pleinement ta vie avec le Seigneur. Quand Dieu dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Maintenant, si ton âme est... Dans ton âme, tu as la sorcellerie inconsciente. Est-ce que tu peux aimer Dieu de toute ton âme? Venez me répondre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'il y a l'ivraie dans ton âme. Il y a l'ivraie dedans. Donc nous devons chercher la délivrance, être totalement libérés et combattre l'ennemi. Alléluia. Je vais prier pour toi qui a regardé. Nous avons d'abord deux chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Allez aimer les deux pages, vous abonner. Allez dans la chaîne l'École d'Esther, vous avez toutes les vidéos de l'École d'Esther. Vous partez, vous trouvez, il n'y a que les vidéos de l'École d'Esther. Et je crois que nous allons finir notre programme. Nous allons finir le deuxième programme de l'homme intérêt à la délivrance. Normalement, le 40e jour, c'est cette nuit. Mais nous allons finir à la fin du mois. Alléluia. Les délivrances de ça. Les guérisons de ça, je ne t'ai même pas montré, donné les témoignages. Il y a les guérisons, les délivrances, les bénédictions financières de ça. Comme ça. Les bénédictions de ça. Les portes qui s'ouvrent. Les demandes en mariage. Tu veux le mariage? Eh! Les demandes en mariage, les foyers restaurés. Quoi encore? Les dossiers débloqués. Il y a eu tellement, les guérisons spectaculaires, miracles. Il y a eu tellement de choses, des miracles. Donc, le prochain programme, c'est « Ton étoile doit briller ». On va encore entrer en profondeur. Et je sais que le Seigneur va beaucoup libérer les gens. Il va délivrer comme il fait. Mais nous préparons notre ciel en même temps. Parce qu'on n'est pas que sur les choses de la terre. Hein? Hein? On prépare notre ciel. Afin que si Jésus arrive entre-temps, hein? Paf, on décolle, on s'en va. Parce que n'oublie pas que tu dois aller au ciel. Hein? N'oublie pas que tu dois aller au ciel. C'est le plus important. C'est le plus important. Le ciel. Le ciel. Voilà, merci. Le culte de Paris, j'allais oublier. Le 507, je suis à Paris. Il y en a qui voulaient voir Maman Didé. Maman Didé sera là, à Paris. On va faire notre culte d'action de grâce. Dieu nous a protégés pendant le COVID. Donc, je serai à Paris le 5, par la grâce du Seigneur. Et venez où que vous soyez, on va prier ensemble. On aura le temps de parler, par la grâce de Dieu. On va faire... Ce jour-là, on doit commencer tôt. On va faire 3 heures de prière non-stop. Quoi de ces mamans de dire, Maman fait 7 heures de prière, elle n'est pas fatiguée. Papa, papa, papa, papa, papa, papa. Et voit les gens qui dorment, les gens qui ronflent. On est là. C'est-à-dire qu'on va prier de 10 heures, parce que le culte commence à 9 heures. On va prier, on peut même commencer à 8 heures. On peut venir tôt. On peut commencer la prière de 9 heures. À 14h, le 7 là, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. On va beaucoup, beaucoup prier. Donc, venez à ce culte-là, le Seigneur fera du bien à beaucoup de personnes. Je pense que le bishop des bishops pourra aussi être là parce qu'il sera là par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, partagez l'émission, partagez la vidéo, je vais prier pour toi. Partagez, allez sur la chaîne L'École d'Esther, abonnez-vous là-bas. Alléluia. Abonnez-vous. Et ceux qui veulent s'inscrire au programme, inscrivez-vous. Ceux qui s'inscrivent, c'est que nous prenons le temps de prier avec vous, de vous suivre, de vous accompagner, parce que ce qui est vrai, ne soyons pas, ne nous mentons pas. On ne peut pas écouter tout le monde. On ne peut pas prier pour tout le monde. On ne peut pas suivre tout le monde. Je vous dis la vérité. Nous avons des corps de chair. Quelqu'un va te raconter sa vie, qu'il a fait, sa sale vie là depuis, pendant une heure de temps. Mon ami, j'ai des enfants, je vais m'occuper de mes enfants à quelle heure? Il faut que je mette un temps pour m'occuper de toi. Donc, si tu veux un suivi comme ça, tu dois t'inscrire, point final. Maintenant, la parole de Dieu, c'est là. Hein? J'ai fini de tout t'expliquer. Je t'ai dit comment tu vas faire. Voilà, on va faire les baptêmes aussi. Hein? Tu peux écouter la vidéo, tu prends les notes et tu pries. Hein? Sans venir me prendre de mon temps. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Mais si tu as besoin de mon temps, inscris-toi à mes programmes. Là, j'aurai du temps pour toi. Voilà. Parce que si tu commences comme ça, après tu vas mourir. On m'a dit que oui, le diable, c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'elle était abominable, c'est bande de Dieu. Parce que vous avez les gros mots ici sur les réseaux sociaux. Je prie pour toi qui es connecté. Je bénis encore tous qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Hier, c'était une belle journée pour moi. J'ai ma fille qui m'a préparé le poulet aux amandes. C'était très bon. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que la grâce de Dieu descende sur toi, que l'autorité de Dieu te localise. Je prie que tu sois délivré de la sorcellerie au nom de Jésus, dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit, et que les sorciers mordent la poussière devant toi. Les sorciers doivent mordre la poussière. Tu dois marcher sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous leurs pièges, tu ne tomberas dans aucun des pièges des sorciers. Un sorcier ne doit plus bloquer ta vie. Ils ne vont pas bloquer ta destinée. Ils ne vont plus bloquer ton étoile, ni détruire tes enfants, détruire tes projets. Détruis au nom de Jésus. Il y a les femmes qui souffrent dans le foie à cause de la sorcellerie. Je parle à toi au nom de Jésus. Que ton foyer soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es malade, je ne sais pas là où tu as mal, pose la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Si tu as l'huile d'onction là où tu as, je vais prier pour quelqu'un qui est malade ce soir. La prochaine émission, tu vas venir témoigner. Je parle. Si tu n'as pas l'huile, pose seulement la main. Que ce soit sur ta tête, sur ton cœur, là où tu as mal, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à cette maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je leur donne de quitter ton corps, de quitter cet organe, de quitter ton esprit, de quitter ta vie, de quitter ta tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, que toute maladie te libère. Je parle. Je déclare ta guérison. Je déclare ta libération par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, je dis amen, amen, amen. La prochaine émission, je vais prendre les noms des maladies. Je vais prier pour vous. Pendant le programme, il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons. Beaucoup de guérisons. Le Seigneur a guéri les gens. Alléluia. Donc, j'ai compris que je dois prier pour que les gens soient délivrés, que les gens soient guéris en même temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très, très bientôt. Je suis Mama Tala. Alléluia. C'était l'école d'Esther. Amen, amen, amen.